Planète Indie sur votre fréquence préférée est parti à la découverte de nouveaux horizons musicaux. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie. Nous sommes le samedi 6 août, très très heureux de vous retrouver, d'autant plus heureux que eh bien, les vacances viennent de commencer pour moi depuis hier soir. Donc c'est super. En plus, la météo est au top, il fait beau, plus si chaud que les derniers jours, donc ça va. Et je suis très très heureux eh bien, de commencer ma période de vacances avec 90 minutes à passer en votre compagnie pour vous présenter, eh bien, comme chaque mois, le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, mais pas que. Mais pas que, puisque, comme vous le savez, eh bien, nous avons un peu élargi depuis quelques temps déjà le spectre des arts qui sont couverts par Planète Indie. On va dans le monde de la littérature et de la bande dessinée en plus en particulier. On va de temps en temps dans le monde du cinéma, mais bon, l'été c'est pas tellement la saison du cinéma, c'est plutôt en hiver, donc à ce niveau là il y aura pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Et puis donc toujours, eh bien, la musique avec pas mal de bonnes choses à vous proposer. Allez, je vous donne quelques noms pour la forme. On écoutera Angry, on écoutera un extrait du nouvel album de Victoria Vox, on écoutera Dave Desmelick. Un nouvel album aussi de nos amis canadiens de Sister Speak. Et puis on ira pas loin du Canada aussi pour notre powerplay dans l'état de Washington. Donc rien à voir avec la ville de Washington, l'état de Washington. Donc c'est tout au nord, au nord-ouest des États-Unis, donc très très près du Canada. Ça c'est pour dans quelques minutes. Et bien pour l'heure, et bien je vous propose de commencer tout de suite cet épisode numéro 445 de Planète Indie avec le nouveau single de Jackson Browne. Bah, Jackson Browne, vous le connaissez puisqu'il a été notre powerplay aussi avec son nouvel album il y a quelques temps de cela. Eh bien, le nouvel album s'appelle Minutes to Downtown. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la plage titulaire de mémoire. Je me demande si c'est pas aussi le nom de son album. Faudrait vérifier, mais je pense que c'est ça. C'est donc son nouveau single. Et puis après Jackson Browne, on écoutera le groupe américain The Entrails avec Cult Fraud. Voilà, bienvenue, restez avec nous, nous sommes ensemble jusque 18h30 comme chaque premier samedi du mois. J'espère que vous le savez maintenant. Allez, tout de suite la musique. Minutes slip away. be nothing left for us but what pleasure can teach. No. Que vous pensez de la programmation de ce début d'émission? J'espère que ça vous plaît. À l'instant, c'était le groupe Love on Drugs avec un morceau intitulé Through the Dark. Et puis avant cela, c'était The Entrails, donc avec Cult Fraud. Et puis on a commencé avec le nouveau single de Jackson Browne, extrait de son dernier album. single, et si je ne m'abuse, l'album donc s'intitule Minutes to Downtown. Je vous demandais ce que vous en pensiez parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez interagir avec nous, oui, bien entendu. Le moyen le plus classique, le plus traditionnel, on va dire, c'est le téléphone. Vous pouvez nous appeler, nous sommes en direct au 26 54 00 44, 26 54 00 44. Vous précédez tout cela du 00352 si vous nous écoutez depuis l'étranger, que ce soit l'étranger proche, la France, la Belgique ou plus loin, puisque nous sommes aussi relayés par la magie d'Internet via le site de RGL ou le site de Planète Indie. Le signal est diffusé sur les deux sites, rgl.lu ou alors ilovemusic.gq pour notre site particulier de Planète Indie. Et puis, vous pouvez nous rejoindre aussi via Facebook ou Twitter, puisque nous sommes présents maintenant sur les deux. On était sur Facebook depuis un bout de temps, et puis on s'est dit, pourquoi pas aller sur Twitter. Bon, c'est un peu plus confidentiel, on va dire, sur Twitter, mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc, vous tapez simplement Planète Indie dans Facebook, et puis vous allez arriver chez nous, pas de souci. C'est gratuit, évidemment. La question ne se pose même pas. Et donc, vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez aussi entrer en contact ainsi avec pas mal d'artistes que vous entendez dans cette émission. Voilà, c'est toujours bon à savoir, on ne sait jamais. Allez, dans ces quelques minutes, nous irons partir à la découverte de notre album Powerplay. Je ne vous dis toujours pas de qui il s'agit. Je peux juste vous dire que c'est un artiste qu'on suit depuis déjà pas mal d'années. Vous allez voir. Et puis donc avant cela, on va écouter un autre nouveau venu. Je pense qu'on ne les a jamais écoutés. Peut-être le mois dernier, je ne sais plus trop, mais je pense que pas. Il s'appelle Black and White Motion Picture. C'est un groupe américain et il nous souhaite une vie douce puisque leur morceau s'intitule My Life. Do your perception is it? C'était donc Black and White Motion Picture avec un morceau qui s'intitule My Life. Et avant cela, donc le tout dernier single du groupe Love on Drugs, un groupe suédois, un single qui s'intitule Through the Dark. Allez, le power play pour aujourd'hui, pour cet épisode numéro 445 de Planète Indie, eh bien, il nous entraîne en premier lieu vers Bellingham, dans l'état de Washington, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, une petite ville portuaire de la côte ouest proche du Canada. Et en second lieu, eh bien, la musique d'Aetopus va nous entraîner beaucoup plus loin, oui, puisque aujourd'hui notre powerplay c'est Aetopus avec l'album Urbus. Urbus, c'est le 7e album complet du projet Aetopus, un projet mené de main de maître par notre ami de longue date, Brian Tuwell Hughes. Si vous nous êtes fidèle, vous l'avez certainement déjà entendu dans cette émission, mais aujourd'hui, on va donc approfondir quelque peu le sujet. Cette musique oscillant entre l'électronique et le New Age a souvent été qualifiée comme ne se rattachant à aucun lieu en particulier, ni à aucune époque spécifique. Espace et temps, c'est à cela que fait aussi référence le nom de Aetopus. Il s'agit d'un mot composé de deux termes, d'où eh bien, ça s'écrit avec une majuscule au milieu, donc majuscule A et majuscule AT. Deux termes qui plongent leurs racines dans le grec ancien Ae, que l'on peut dériver de Éon, qui a donné âge en français, et bien fait référence au temps, voire même à un temps très long. Et topos, qui signifie lieu et qui a donné des mots comme toponomie, toponymie, topologie, etc., etc. Brian est né en 1966 à Quantico, en Virginie. Dès l'âge de 6 ans, il a suivi des cours de piano, pour ensuite s'orienter vers l'âge de 17 ans vers la guitare basse. C'est ainsi qu'il a joué entre 1987 et 1997 de cet instrument dans plusieurs groupes de blues, de folk, de punk et même de reggae. Tout cela donc dans la région du nord-ouest, puisqu'il avait quitté sa Virginie natale pour aller s'établir dans le nord-ouest. Donc l'état de l'Idaho par exemple, du côté de Portland ou à Bellingham où on le retrouve actuellement. On en vient à la question que l'on est en droit de se poser, comment un grand gaillard aux cheveux longs, aux vêtements déchirés et appréciant la musique lourde en vient-il à devenir un compositeur récompensé de musique plus éthérée et ambiante ? Eh bien, la clé de l'énigme réside dans une boîte de cassettes audio de musique électronique que les grands-parents de Brian lui ont offerte, qu'il a écouté et qui ont nourri son esprit et sa réflexion pour des thématiques comme les questions d'écologie, d'environnement, la vie à l'extérieur ou encore la science. Et sur ces cassettes, on trouvait des groupes comme Kitoro ou Tangerine Dreams. Tout ceci, et bien toutes ces réflexions constituant des réflexes mentaux auxquels le jeune Brian n'était jusque-là pas habitué. Du coup, cette musique aérienne électronique lui a offert un contrepoids psychologique, eh bien, à rébellion qui, à cette époque-là, animait son esprit d'adolescent ou voire de jeune adulte. Voilà pour la première partie de l'histoire de Aetopus qu'on découvre aujourd'hui, enfin qu'on découvre, on découvre plutôt leur 7e album, parce que Aetopus, on ne les découvre pas, ça fait longtemps qu'on les diffuse dans cette émission. On découvre donc leur 7e album, un album intitulé Urbus. Et le premier extrait que j'ai choisi de diffuser aujourd'hui s'intitule, je pense qu'il faut prononcer Spire ou Spire, mais je pense que c'est plutôt Spire. De toute façon, on ne le saura pas puisque c'est de la musique instrumentale. Allez, je lui laisse la place, c'est notre power play pour cette émission numéro 445 de Planète Indie. Power play. Power play. Thank you.

l'habitude. Et puis je vous rappelle, j'en profite aussi pour vous, tant qu'on est dans les horaires, rappeler que eh bien, cette émission sera rediffusée demain, aux mêmes heures qu'aujourd'hui, donc 17h, 18h30, sur cette même fréquence, bien entendu. Et pareil aussi sur les différents canaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver, notamment donc le site internet de Planet Indie, www.ilovemusic.gq, ou le site de RGL, www.rgl.lu. Eh bien, on va aller voir, ça va aller très très vite, vous allez voir sur le calendrier des manifestations à la Rocale. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est une exposition qui va démarrer le 17 août et qui se tiendra jusqu'au 30 septembre, qui s'intitule « Live, Breath and Sleep Guitars ». Voilà, c'est une exposition sur le monde de la guitare, si j'ai bien compris. Et puis, le 23 août, c'est la venue de Toto. Oui, et puis à part ça, il n'y aura rien. Bah oui, vous allez voir, c'est les vacances pour tout le monde. Donc, 23 août, Toto, sinon, eh bien, c'est l'exposition sur la guitare. Et puis après ça, eh bien, on arrivera au mois de septembre, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler pour notre émission prochaine qui se tiendra le 3 septembre, bien entendu, en direct des studios de RGL. Et comme il n'y avait pas grand-chose, eh bien, on peut passer directement dans la foulée au programme de la Culture Fabrique. Alors, ce soir, 18h, 22h, un DJ set Ledjenko au Koufa Summer Bar. Vendredi prochain à 18h, soirée hip-hop avec Taipan ou Taipan, je ne sais pas trop comment il faut prononcer cela. Et puis le 26 août, toujours un vendredi, toujours à 18h, de la musique downtempo électronique avec Gustavo Morales aka Ghost au Koufa Summer Bar aussi. Et puis allez, tant qu'on y est, on reste dans les vendredis. Le premier vendredi de septembre, le 2 septembre à 18h, un DJ set de nouveau. Ça s'appelle Oriental Mix Party. Donc, pour plus d'infos, eh bien, vous allez respectivement sur les sites de la Rocale, www.rocale.lu, et de la Culture Fabrique, culturefabrique.lu, pour toute information complémentaire et mise à jour. Voilà, voilà. Je vous avais annoncé en début d'émission qu'on allait écouter un extrait du nouvel album de Victoria Vox. Eh bien, c'est maintenant, c'est tout de suite, un album qui s'intitule Nirvana in REM, avec de très très belles illustrations de Fred Stonehouse. Eh bien, nous, on va écouter de la musique, puisque les illustrations à la radio, ça passe un peu plus difficilement. On va écouter le morceau qui s'intitule Easy Money. Bah, l'argent facile, bah, si elle a la recette, écoutez, pourquoi pas. Allez, Victoria, c'est pas la difficile. I am God in an animal body. The spirit in the sky complicates the part in the land of milk and honey. I would rather suffer than be chained to gold. I don't want your easy money. Child, he thinks I've got a good thing coming. Deep pocketed investors want to buy you out, even if their hands get bloody. Call that nothing comes for free. I don't want your easy money. Easy money, easy money, easy money, easy money, easy money, easy money, easy money. Psychedelic Carol lives at number 28, three doors down from Peter, who she thinks is really great. She gives him the eye, but he's very shy. She buys him patchouli oil, it always makes him cry. Aging hippie Peter lives at number 34, at all hours daytrippers come knocking at his door. Sometimes he is out, sometimes he is in. Sometimes heavies beat him up and leave him by his bin. Sometimes heavies beat him up and leave him by his bin. Carol had a party and her house went up in smoke. Everyone was bombed on skunk and mescaline and coke. Came the fire brigade swiftly to her aid. Doused the flames before the heady fumes led to a raid. Psychedelic Carol now resides at 33, right across from Peter, who she now more often sees. Sometimes she brings reds, sometimes she brings blues, sometimes she brings mushrooms and a nice Moroccan stew. Carol called on Peter just last week, left a bag of sweets that Peter couldn't help but eat. In it was a pill, it made him very ill. Now he's having therapy and he sends her the bill. Candy, fizz whiz and the like. Sherbet fountains, flying saucers, yellow, pink and white. Rainbow gum she'll chew, lemon crystals too. Otherwise what is a lonely flower child to do? Otherwise what is a lonely flower child to do? Eh bien, lui aussi, c'est la toute première fois qu'on l'écoute. Il s'appelle Len Liggins. Enfin, il se fait appeler d'ailleurs par son nom d'artiste, The Legendary Len Liggins. Il a sorti un EP chez nos amis de A à Z Records en Angleterre, donc du côté de Leeds. Et on écoutait le morceau Psychedelic Carol. C'est un single qui est sorti déjà il y a un certain temps. Et puis, je l'ai retrouvé... Enfin, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, à ma grande décharge. Et puis je l'ai retrouvé, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai, on l'a encore jamais écouté. Lui, je vais vous proposer un extrait, voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook, hein, Planète Indie, et puis sur Twitter aussi, si vous voulez nous suivre sur Twitter, il n'y a pas de souci. D'ici quelques minutes, eh bien, retour sur l'album de Aetopus, notre album Powerplay. Avant cela, eh bien, on va encore écouter un nouveau venu. Il s'appelle Dave Desmelik, et il nous interprète. C'est quoi le morceau que j'ai choisi? Il nous interprète Vision Speaks. Dave Desmelik en nouveau venu, donc dans Planète Indie aussi. Mmh. With the twist of the wind hides the blatant truth on a jet stream ride. Par Dave Desmelik, 17h51, c'est fou, j'ai l'impression qu'on a commencé il y a 5 minutes et on a déjà passé la moitié. Allez, il est temps de retourner donc sur l'histoire d'Aetopus et de son compositeur Brian Hughes. Suite à sa découverte et à sa plongée dans la musique électronique, eh bien, il a sorti un premier album sous le nom d'Anthropile. C'était une sorte de groupe solo industriel. Un album sorti en 1999 qui s'intitulait Take, et il a débuté en même temps un stage d'ingénieur du son au studio d'enregistrement Binary dans sa ville de Bellingham, ce qui lui a donné une plus grande expérience de la gestion du son. Ça me semble assez logique. Depuis 2002, il opère sous le nom d'Aetopus et a sorti 7 albums et 2 EP. On a eu l'occasion d'en écouter donc plusieurs dans le contexte de cette émission. Ils contiennent des morceaux qui ne s'arrêtent pas au format radiophonique traditionnel. Ces compositions, eh bien, contiennent souvent une ouverture et un côté dramatique, un peu comme dans la musique classique ou voire même dans les musiques de films qui sont chargées d'intensité. On y trouve aussi un côté ambiante, voire New Age, ainsi que parfois un petit côté expérimental. On y trouve le côté mystique de la musique world et enfin quelques éléments de ci, de là, de l'agressivité, du hard rock. Pour cet album Urbus, et bien comme il devait sortir aussi en version vinyle, Brian s'est trouvé confronté à une nouvelle contrainte. Aetopus étant né à l'ère du compact disc, il avait l'habitude d'avoir plus de temps pour la durée de ses morceaux, mais aussi en ce qui concerne la présentation. C'est vrai que ce qu'on constate sur cet album, c'est que ses morceaux sont plus courts que d'habitude, alors qu'avant on pouvait frôler les 7-8 minutes. Ici, on tourne plutôt 4-5 minutes. En plus, on parlait de la présentation, et effectivement, en plus d'être un compositeur, Brian est aussi un graphiste, et c'est lui-même qui réalise les présentations, les visuels, les pochettes, images qui accompagnent sa musique, et la pochette et le contenu du petit livret, il y en a rarement, hein, je vous l'avoue, qui vont avec. Il a d'ailleurs obtenu un bachelor en beaux-arts et peinture de l'université de l'Idaho en 1989. Et puis pour la petite histoire, il a aussi opéré comme artiste tatoueur. Il y a donc bien chez lui une grande connexion entre les yeux et les oreilles. Et je vous propose donc de nous régaler une seconde fois les oreilles ce soir avec un nouvel extrait de son album. Album qui s'intitule Urbus. On va écouter un extrait qui s'appelle cette fois-ci Transit. Et puis voilà, c'est donc notre powerplay pour cette émission 445 de Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Greetings, this is Brian Toole Hughes of Aetopus, and you are listening to Planet Indie. speak, you're listening to a song off our new album, On Planet Indie. I got a crush on you, hoping we make it through wholeheartedly. Every part of me, 'cause I got them low down heartache blues, and I come right, I don't know what to do, but you're so damn far away. How'd I find myself in LA? When I got a crush on you, hoping we make it through wholeheartedly. Every part of me, and I got a crush on you, yeah, hoping we make it through wholeheartedly. C'est une nouveauté du groupe Sister Speak avec un extrait de leur nouvel album qui s'intitule Love for All, et vous l'avez certainement compris même si vous ne parlez pas anglais, ce morceau s'intitule Crush on You. On va poursuivre en musique avec nos amis de Skittish et House on Fire. Avant cela, eh bien, on achève notre petit tour de nos partenaires culturels du coin avec Neumünster. Bah, c'est bien simple, c'est relâche complète au mois d'août puisque Le prochain événement se tiendra le 4 septembre avec un concert de jazz du Max Peterson Trio. Voilà, voilà, ça a été rapide, ça a été efficace. Ce mois-ci, ça va comme sur des roulettes, on va dire. Allez, on écoute Skittish avec House on Fire. Oui, ils sont dans les starting blocks. Et puis tout de suite après, restez avec nous parce que nous allons partir à la découverte du monde merveilleux et enchanté de la bande dessinée avec notre bande dessinée du mois. Je vous en dis pas plus, c'est pour dans 3 minutes. Les avait passés pour la première fois, si je ne m'abuse, le mois dernier, et comme on avait apprécié, eh bien, on s'est dit on va les réécouter ce mois-ci. Ce sera d'ailleurs la même chose pour le morceau suivant. Le morceau suivant, ben, je peux déjà vous l'annoncer, ce sera Joanna Lilvic avec son nouveau morceau qui s'intitule Worlds. Mais avant cela, eh bien, je vous propose de partir à la découverte de notre BD du mois. Une BD qui s'intitule Pierre Rouge, Plume Noire, une BD de Thierry Robin. Le résumé est le suivant. Dans les montagnes de la province de Guizhou, une grande agitation s'est emparée de la forteresse du roi Yang. En effet, l'imposante armée de l'empereur Ming se dirige droit vers elle, forçant toute une population hétéroclite à s'y réfugier avant le début du siège et des hostilités. Alors que s'entassent dans les étages inférieurs les paysans à qui les militaires ont fait de la place et qui, au fil des jours et des semaines, se voient progressivement rationnés et privés de leurs vivres et de leurs ressources, le roi et sa cour, confortablement installés plus en hauteur, ont à peine conscience du drame qui se joue et continuent à vivre dans l'opulence. Lucide quant à son manque d'envergure, le monarque s'en remet pour l'essentiel à son homme de confiance, le général Wu, dont les soldats sont prêts à lutter jusqu'à la mort. Leur courage et leur détermination suffiront-ils pour défendre la cité et ses occupants ? et ses occupants. Cet ouvrage a une histoire singulière. C'est la première bande dessinée à avoir été produite spécifiquement pour le marché chinois. En effet, suite au classement par l'UNESCO de Heilongtun, une petite cité interdite reculée, répondant au doux nom de Château du Dragon des Mers, les autorités locales ont voulu marquer le coup et promouvoir leur région. Une ancienne légende locale a été ressortie des tiroirs pour être adaptée en bande dessinée, un format au départ peu évident dans l'Empire du Milieu, tant il y est plutôt associé au monde de l'enfance et de la jeunesse. Mais après plusieurs années de recherche, de préparation, de négociation, le projet s'est enfin concrétisé. Si la trame de base, à savoir donc le siège d'une plateforme, et l'affrontement entre deux armées est on ne peut plus classique, notamment dans un contexte médiéval, la mise en scène et les cadrages sont époustouflants. Déjà, la couverture est somptueuse, vous la verrez sur notre site, je vous mettrai la couverture sur notre page Facebook et sur Twitter. Déjà, la couverture est somptueuse, offrant un tango entre le rouge et le noir du meilleur effet. La silhouette du général Wu, surveillant au loin l'approche de l'ennemi lourdement armé, occupe tout l'espace. Un oiseau plane au-dessus du convoi et semble observer la tournure des événements. Plume noire, c'est lui. L'auteur lui a donné un rôle de narrateur dans lequel il distille ses commentaires acerbes et cyniques, à la fois pour nous, lecteurs, mais aussi à l'intention de son comparse Pierre Rouge. Cette dernière n'est autre que la montagne sur laquelle se déroulent ses faits sanglants, d'où le rouge, évidemment. Dépourvue d'yeux, elle se demande ce qui cause ces démangeaisons qu'elle ressent depuis peu. Elle fait donc appel à son nouvel ami Corbeau afin qu'il lui fasse le compte-rendu des développements. Ces sauts de perspective, passant du cœur de l'action en style direct à la distanciation narrée, sont parfois perturbants mais permettent d'opposer le temps long à l'immédiateté éphémère et ainsi remettre à sa place la vanité humaine. Les panoramiques en pleine page sont vraiment magnifiques, il faut le dire. Et s'accorde à la perfection avec les plans rapprochés. On soulignera en particulier le travail sur les armures, qui constitue un terrain de jeu idéal pour les effets d'ombre. Plume noire semble, par contre, par moments quelque peu distordu. Les couleurs, tantôt apaisantes, mais surtout dynamiques, contribuent à assurer un rythme idoine à l'histoire. Aseptisée, cette dernière peut être transportée quasiment à l'identique, pratiquement dans n'importe quelle civilisation. D'où ma conclusion. Il s'agit d'un récit épique, une aventure qui ressemble à une fable, bien servie par un dessin superbe rehaussé de couleurs somptueuses. Bien que conçu pour le marché chinois, le message reste d'actualité, d'autant plus que le fossé entre guillemets culturel à franchir est quasiment inexistant. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, parce qu'il était inexistant. On en viendrait presque à le regretter, d'autant que la longue expérience sur place de l'auteur aurait pu nous en apprendre un peu plus sur les us et coutumes chinois. C'est vrai que Thierry Robin, il a fait plusieurs séjours de longue durée en Chine pour s'imprégner du lieu et pour coller au mieux, disons, aux spécificités locales. Pierre Rouge, Plume Noire, c'est une BD donc de Thierry Robin sortie chez Dargo. Je vais vous mettre la conclusion et la couverture sur notre groupe Facebook et puis vous aurez la fiche de lecture complète. Bah oui, on n'est pas radin pour ça. Complète sur notre site internet www.ilovemusic.gq. Retour à la musique avec Joanna Lilvic et Wolves, et puis après on écoutera une autre nouveauté, Tremolo Heart et Wichita Lineman, avant de retourner sur notre album Powerplay. Looking around, alone. Tremolo Heart, donc, avec Wichita Lineman. Eh bien, on avance, 18h17. On arrive tout doucement au bout de cette émission. On en doit encore écouter donc notre album Power Play. Ça va être tout de suite. Alors, je vais terminer son histoire. Je m'y retrouve dans mes notes. On en termine donc avec cette découverte de Brian Tuwell Hughes, alias Aetopus. Espace et temps sont les maîtres mots ainsi que l'attraction entre les extrêmes. Brian a toujours été attiré par les pôles opposés, comme par exemple entre le calme et le lourd, entre le lisse et le texturé. Et c'est ce qu'on retrouve dans sa musique, même s'il avoue avoir une certaine préférence pour les côtés sombres et dramatiques, ce qui empêche au fond sa musique d'être de la musique complètement relaxante. Ses compositions contiennent à la fois des éléments issus de ses synthétiseurs, mais aussi des bruits enregistrés en pleine nature. On retrouve là son côté écologie, vie en extérieur dont j'ai parlé tout à l'heure, ou encore des textes parlés. Il utilise aussi des instruments d'orchestre ou des instruments ethniques tels que des violons, des orgues ou des percussions africaines. Le résultat de son travail, préliminaire consiste la plupart du temps, Le résultat de son travail préliminaire consiste la plupart du temps en 30 ou 40 pistes d'une dizaine de minutes chacune, ce qui cette cacophonie de sons et d'idées qu'il repart, et son travail consiste alors à peler celle-ci, donc ces blocs de musique, pour en enlever les couches qu'il juge superflues afin d'en révéler l'essentiel, ce qui au fond final donne des morceaux allant de 4 à 7 minutes environ la plupart du temps. Et ce processus semble lui réussir, puisqu'il a reçu un Zone Music Award en 2012 pour son album Between Empires, dont on a écouté des morceaux à l'époque. Et puis il a été aussi nominé en 2016 pour son album Temple dans la catégorie Best Electronic. Il a été aussi nominé en 2013 pour son EP In Angels and Machines pour le meilleur album électronique, ainsi qu'en 2015 et 2018 dans cette même catégorie pour respectivement les CD When et Totem Totum, dont on se souvient ici puisqu'on l'a pas mal joué. Voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur Aetopus, le projet de Brian Tuwell Hughes. Son site internet, c'est www.aetopus.com, ça s'écrit Aetopus.com. Brian est aussi membre de notre groupe Facebook, donc si vous désirez entrer directement en contact avec lui, rejoignez-nous sur Facebook. Et puis si vous lui demandez gentiment de vous dédicacer l'un de ses albums, nul doute qu'il se fera un plaisir de le faire, c'est ce qu'il annonce. Il le fait généralement avec grand plaisir pour ses fans. Et c'est vrai que cet album Urbus, pour moi, c'est l'un de ses plus réussis depuis qu'on le connaît, en tout cas. Donc, on va écouter un troisième extrait. C'est le morceau 666 qu'on a d'ailleurs déjà entendu. C'était donc, c'est notre powerplay aujourd'hui pour cet épisode numéro 445 de Planet Indie. Greetings, this is Brian Tuwell Hughes of Aetopus, and you are listening to Planet Indie. Thank you. Eh bien voilà, c'est ainsi qu'on arrive pratiquement tout doucement au bout de la programmation de ce soir. On va se quitter avec un dernier morceau de Nina Ekerblom-Nielsen. Alors je me suis écrit comment il fallait prononcer parce que c'est du suédois. Lattasteg, voilà, apparemment c'est ça qui... Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein. Ça s'écrit Lattasteg. En tout cas, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. On se retrouve donc le 3 septembre pour l'épisode numéro 446 de Planet Indie, toujours en direct des studios de RGL. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet www.ilovemusic.gq. Vous retrouverez le podcast de cette émission ainsi que des autres émissions aussi. Toute la playlist d'aujourd'hui et puis toutes les informations utiles pour nous rejoindre sur Facebook ou sur Twitter. Bah, ça commence tout doucement, mais ça commence à monter un petit peu. Hein. Voilà, on se quitte avec ce morceau. Passez un bon week-end, un bon mois d'août si vous êtes en vacances, de bonnes vacances comme moi. Et rendez-vous à la rentrée, donc le 3 septembre. Portez-vous bien, à bientôt. Som finns i någons ögon där mitt emellan hav och himmel. Ja, något särskilt är det ändå som gör mina steg så lätta att gå. Lätta steg på denna jord, lätta steg att gå. Lätta steg på denna jord, lätta steg att gå. Steve.